to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because see the girl them broke out from the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man, we can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. One pack pose and girl, you got the chest out, but you know we're soft, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it de-stress out. Me have a flat to become me, God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Girl, love some crazy now. This street, drop it on a Bridget and Flavor show. Oh, oh. Time for me make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh, oh. Woman, don't play me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Oh, oh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. Oh, oh. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Oh, oh. Come in love how you're fitting on your blouse and you're fatting on your jeans, I'm a wild discover. Oh, oh. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because see the girl, them broke out from the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man, we can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Cinquième, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Salut les petits copains, c'est la 25e, il est 22h08. On est bien sur Radio-Sud.net 101.8. 22h08, minuit. Ou 22h08, 23h30. Ouais, aussi, aussi. Tous les jeudis de semaine B. Semaine paire, impaire. Ouais, on est bien dans la 25e, il est 22h09, on est arrivé un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Ce soir, on avait un invité de prévu, mais malheureusement, il pouvait pas être avec nous. Donc on a, entre guillemets, bricolé une petite émission spéciale rap local, dont je ne connaissais... Rap local ? Rap local, du Sud. Mais je connaissais pas la playlist. Bah, la playlist, en fait, ça va être tout simple. On s'est dit, tu vois, vu que c'était ton birthday ce week-end, lundi, ouais, ce week-end, comme on dit. On peut lui souhaiter des joyeux anniversaires. Voilà, on va te souhaiter joyeux anniversaire. On a mis quelques. Génial. C'est génial. On a mis des bougies quelque part, là. Ouais, t'inquiète, dans ton huc. On a mis quelques sons à toi dans la clé USB. Ouais. Et moi, je vais faire passer mon. Bon son de toi que je préfère, tu vois. Ouais. Je vais passer ça aussi. Et puis, vas-y, on va s'écouter quelques sons de Chao. Et puis après, on finira sur quelques sons de personnes qui sont déjà venues dans l'émission. Ok, ça, ok, ok. Le, it's El Programo. El Programo. Yeah. It's El Programo. Ok, ben d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite Rien que promo. Tu profites, quoi. Rien que je profite. J'en profite pour faire une petite promo, vu qu'on est dans le... Dans la promo culture urbaine et rap local. Donc, local. Local. Donc demain, demain, vendredi 29 novembre, au Café International, entrée gratuite pour 404 Billy. Pour ceux qui connaissent, avec en première partie c'est EDRF. C'est pas le mec qui a fait un truc avec Damso, je sais pas quoi là. Ouais. Mais il est bon lui. Ouais. Il faut écouter et se faire une idée. Hein. Mais je tiens à dire que le Café International, c'est pas la première fois qu'ils font des concerts gratos là-bas. Il y avait eu Jossman, du coup, aussi, avec EDRF déjà en première partie. Mais il y a quelques années. Il a des contacts à ce café ou quoi, EDRF? Il rafle toutes les premières parties comme ça. Bah, il se démerde, hein. Il a raison. Il doit avoir deux, trois contacts. Hein. EDRF, si t'as des adresses, envoie. Fais passer les adresses à Jounès. Donc 404 Billy, EDRF demain, vendredi 29, au Café International. Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est le café des étudiants vers le Pont Canot. L'espèce de à côté du bâtiment, on dirait un peu Poudlard là. Je crois que c'est un bail étudiant ici. Il y a les étudiantes qui habitent dedans. Et les étudiants aussi avec un S, sans le E. Elles habitent dedans, ouais. Donc c'est le bruit qui pense qui organise ça, c'est gratos, allez-y. Vous pourrez retrouver EDRF, SLF Crew, Gore, voilà, il y aura du local sur place. Et c'est gratuit, je le répète, c'est gratuit, n'a rien à payer. Voilà, donc ça c'est dit. J'en profite aussi pour je profite pour faire un gros big up du coup à Wayby qui était là la semaine dernière. La prod finale, on l'a entendu ou pas? On l'a pas entendu, normalement il doit la mettre sur les réseaux. Donc, fait une semaine qu'il bosse dessus en fait. Ouais. En fait, je pense que soit il a oublié de terminer. Ouais, soit il était déjà sur un triple album de TO2S ou un truc comme ça, tu vois. Normal. Donc non, big up à Wayby qui est venu la semaine dernière nous présenter un peu sa personne et ses projets. Et à tous ceux qui étaient là, ceux qui ont fait le déplacement depuis Belfort, Mombé, etc. C'était méga lourd. Je vous avoue que ça m'a donné des idées pour terminer les émissions de 2019. Pourquoi pas organiser un gros truc peut-être de 2 heures, voilà, envoyer des invités au mec et puis avoir quoi. Comment? Voilà. Bah, tu vois, j'ai pas entendu. J'ai dit que du coup l'émission de la semaine dernière, ça m'a donné des idées pour clôturer 2019. Oui. Et la suite? Pourquoi pas faire un gros freestyle de 2 heures et inviter les mecs, et sachant qu'on a que 3 micros, tu vois, faire un truc peut-être un peu plus entre guillemets organisé, et puis voilà, et puis que les gens ils viennent kicker pendant 2 heures bien quadrillés. À voir, à réfléchir. Donc d'ailleurs j'en profite, hein, rien que je profite pour faire la petite promo de Wayby qui a sorti son projet le 31 octobre 2019, The Horror Beat Tape. Vous pourrez retrouver 5 instrus sur sa chaîne. C'est qui Horror? On sait toujours pas. Et du coup, Wayby, il est parti sans nous dire la semaine dernière. Donc si tu nous entends, Wayby, tu nous diras qui est cet Aurore. Beat tape. Voilà. Ah, voilà. Voilà un Asiatique furtif qui vient d'entrer dans les studios. Donc comme vous pouvez le savoir, on est toujours au 43 rue d'Arène. Ça n'a pas changé. Vous êtes toujours bien sûr 101.8. Radiosud.net. On est là tous les jeudis depuis février. Il est 22h14. Ce soir, c'est un peu bricolage d'émission suite à une annulation. Une annulation. Une annulation. Une annulation d'invités. Transaction dans le studio. Petite transac dans le studio. Ça s'envoie des. C'est quoi ça? Ah, j'ai cru que ça s'envoyait du poulet ou je sais pas. Attends, non, c'est pas 50. Donné... Ah, c'est bon. Ok, il se passe des trucs. Transaction d'argent. Du coup, on fait quoi, Juju? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Balance un petit premier son. Tu peux nous balancer Tube. Et après, le prochain son, ça sera mon son préféré. Tu vois, je te prépare ça dans le coin. Donc, c'est la playlist de Jounès ce soir. Enfin, je crois que c'est Jounès et TO2S ou je sais pas, une fusion. Ouais, c'est bizarre. Jounès. C'est des sons. Y a pas de playlist, tu vois. Vas-y, mets ça. Ok, donc je balance direct Chao, Tube, le clip est sur YouTube si jamais. Notre ami Loubloum Corp qui fait ça, voilà. Donc je balance ça, petite jingle, ciao au tube, et puis on se voit après. Allez, salut les copains. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Tous mes gars m'ont dit que je fais des tubes. DJ Pull Up, tu seras pas déçu. Ouais, tu auras bien, mais faut faire des vues. Seul dans mon coin, je bois Jack Miel pur. Ouais. Avec 2-3 books, j'ai laissé mes soucis sur la touche. Je fais cracher le son dans la clé ou deux. Fumée épaisse qui sort de ma bouche. Je fais le tour de la ville. J'suis là mais j'rêve de partir. M'aide bien, protéger les miens. Voilà tout ce que j'veux dans la vie. Pas de mise en scène. On flirte avec l'amour et les chrysanthèmes. J't'ai vu partir mais j'souris quand même. Demain est un autre jour. J'essaie de m'endormir, des rêves plein la tête. Ils me prennent pour un fou. Mais j'attends le calme après la tempête. Du bif c'est ce qu'il faut. J'esquive les rivaux. J'suis solo dans mon délire. J'me suis débrouillé depuis Bambino. Le rap remplit pas le frigo. N'écoute pas tous ces mythos. Lève-toi, va chercher un taf après le studio. Je repars au boulot. Dans les checks sont sa part en yux. J'vois des darons, des mères en deuil. Avant j'étais animateur. Les petits que j'avais sont vraiment teux. J'suis dépassé. Comment vous dire, j'suis dépassé. Donc j'ai fermé les yeux, vidé ma tête. J'ai fait un détour, j'ai pris ma taille. Quand tout va bien, les soucis s'amènent. Pourvu que ça puisse, c'est bon, j'ai ma peine. J'ai fermé les yeux, vidé ma tête. J'ai fait un détour, j'ai pris ma taille. Yeah. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h15, minuit. 23h30. Radio Sud.net. 101.8. Petite question, c'est qui tes gars qui t'ont dit j'ai fait un tube? Ouais, je pourrais t'en citer plusieurs. Bon, je vais te citer Schneu déjà. Là, je te vois comme. Je sais pas si tu vois le sketch là de Mister Ville. Tu sais, où il dit ouais, demande à Demba. Là, je te vois comme ça, là. Non, tu connais les gens qui disent ouais, faut que tu perces. Faut faire des tubes. Après, je pourrais te raconter une vraie story, mais tu pourrais pas me croire aussi. Bah, vas-y, raconte, on est là, de toute façon, 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. Non, c'était le, à l'époque, un gars qui s'occupait, entre guillemets, de la production de la Suija. Ouais. À l'époque. Et il m'avait envoyé. Ah, c'était Muntir. Non, pas du tout. Non, c'est Hafid. Non. Non. En fait, c'est devenu Carlton. Le DJ Carlton. Ouais. Monsieur Carlton. Ouais, ok. Tu vois ? Ouais, ouais. Et il m'avait dit, fais des tubes, tu vois, fais des tubes. On m'envoyait une vidéo avec Soprano qui me souhaitait justement bon anniversaire. Et puis depuis... Tu te mousses là. Hein, voilà, te mousses, totalement. T'étais dans le showbiz. Hein, là, j'étais dans le showbiz. C'était il y a presque 10 ans. Ouais, le sujet, tout ça, c'était 10 ans. Ouais. Et puis, Schneu, il m'a toujours dit, en gros, si tu veux percer, fais des tubes, tu vois. Faire des hits. Voilà. Donc Soprano, c'est ton gars alors? Quoi? Dans le texte, j'aurais totalement pu dire Soprano m'a dit fais des tu. Baba. Soprano Baba. Baba, direct. Ouais, non, voilà, tu connais ceux qui disent ouais, faut que tu perces. Pour percer, faire des tubes. Mais moi, je pense pas que ça soit le max de tout mon tube. C'est-à-dire? Bah, cette musique, c'est pas le tube max, tu vois. Ah. Ok. Elle est justement trop orientée tube pour faire un tube. Ouais, capte pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais. Trop tendance. Ouais. Dans la tendance. C'est ça. Ok. Donc en fait. Attends, pardon, excuse-moi. En fait, tu m'as fait une émission, quoi. C'est ça que je suis en train de comprendre. Ah non, même pas. Théo Dessès, il me regarde en rigolant tout. Gros. Je vois, il donne des petits clins d'œil à son téléphone. On suit bien les questions. Ça, c'est parce qu'il parle à, je sais pas qui, comme d'hab. Ah. Mon téléphone est dans ma poche. Non, gros, je me suis réveillé à 4h du mat, j'ai pas eu le temps. Lui, il devait s'en charger, il s'est chargé de rien. Donc là, on est là, entre 4 yeux, enfin entre 4 micros. C'est chargé, mais pas que de questions. Non, tu vois, tranquille. Ok, tranquille. D'accord. Ok. Non, bah vas-y, bah on peut enchaîner sur le deuxième son. Moi, c'est là, les deux sons qui vont suivre, c'est mes deux sons. Non, c'est mes trois sons préférés de toi. C'est mon premier, c'est À Cœur Froid. Je sais pas si tu te rappelles de ce son-là. Sur une instru de She Will, Lil Wayne et Drake. Mmh. Et puis là, les deux qui arrivent, là, c'est le top 3 aussi. Donc tu peux commencer par Let's Go. Ça date de quoi, 2013-2014 sur le truc, il écrit 25 avril 2013. Ouais, c'est bah, tu vois, 2013. C'est... Okay. Vas-y, tu peux balancer ça. Ok, d'accord. Donc, tu fais une rétrospective d'il y a 6 ans. Je t'aime bien. Ouais. Donc, le son, c'est Lil Shaolin, Let's Go. C'était High Kick Volume 2 à l'époque. Exactement. Et que tu t'appelais encore Lil? Je m'appelais encore Lil. J'étais encore un petit. mcdebezac.skyblock.com. Toujours actif. Il existe toujours. Hein. Ouais, il existe toujours. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Hein. Lil Shaolin, let's go. Petit jingle et puis let's go. Let's go. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ah, la rétrospective. Mm-hmm. Tu m'as ramené loin, là. Très loin. Est-ce que t'es encore d'accord avec toutes tes paroles là, que tu dis là? Ouais, plus ou moins. Pour moi, c'est cohérent. C'est resté cohérent. Tu vois, quand j'ai regardé que c'était en 2013, ouais, ça reste cohérent. Est-ce que c'était pas ta grande époque, là, en vrai, en scred? 2013... Ou peut-être le début du renouveau ou la fin de la grande époque? Franchement, je saurais pas te dire. Hein. Moi, ma grande époque, c'était quand 25 000, il est sorti. Ouais, c'était 2009. Voilà, c'était vraiment... Il y a 10 piges, comme ça. Ok. Donc voilà, c'était ça, c'est un de mes... C'est un de tes sons préférés. Ouais, pardon, excusez-moi. Ben, adieu. Ouais, voilà, c'est un de mes sons préférés. Donc voilà, je tenais à le partager avec les gens qui ne le connaissent pas, les personnes qui ne le connaissent pas. Et parce qu'il n'a pas été beaucoup promotionné, ce son, quand même. Donc, c'était à l'arrache. Hein. Ouais, donc t'as vu. Donc voilà. En plus, il est nulle part, ce son. Moi, je crois pas qu'il est dans une mixtape. Hein. Si, je crois que je l'avais mis dans iKick 2. Il me semble. Je ne crois pas. Hein. Moi, je crois que c'était parce qu'à une période, tu faisais beaucoup de sons. Ouais, je sais pas. Tu balançais sur YouTube, genre Zbeul, machin. Tu sais, c'était. Je pense qu'il est nulle part, ce son. Donc, ouais, voilà. C'est possible. Hein. Ouais, je te le dis. J'avais aucune stratégie. Bah, ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème de beaucoup de personnes ici. Hein. Enfin, dans notre région, on a des sons, des machins, mais pas de strat. Ouais. C'est pas bon. Vas-y, moi, je te propose, on enchaîne sur encore un autre son. Je crois qu'on va encore plus loin. Motivation, c'est le remix de Kelly Rowland et Lil Wayne. Ouais, c'était 2011. Mai 2011. Ah, putain, on va peut-être arriver jusqu'en 2001 avec ces conneries là. Donc vas-y, tu peux balancer ça au calme. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est bien sur la 25e, 101.8 radiosud.net. Vintage. On est en mode vintage là. Jounès, il m'a ressorti des vieux sons de Lil Shaolin en 2011. Voilà. Donc je balance ça, du coup, Lil Shaolin Motivation Remix, ça fait partie de son top 3, apparemment. Donc je vous mets ça. La 25e. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Prends le micro pour les mecs de ma zone. 2-5 sur le drapeau. Pourquoi sont-ils si méchants? Bavent-ils autant? C'est des crapauds, je décapo. Mike, et pour toi, miss? J'ai des capotes, crame tes bottes. J'fly sur de la pure weed, crois pas que je crapote. Autour d'une chiche en papote, en cabriolet des capotes. À la porte, les voisins qui sonnent, le son qui tape comme à la boxe. Ma seule motivation, c'est de te mettre bien comme Suzubrovska. J'suis acteur de ma vie, dans mon scénario, j'ai un Oscar. Mais j'fais pas de chichi, va droit au but comme l'OM. J'aurais être doux, attentionné, j'crois savoir ce que l'ego aime. Si tu kiffes pas, ben tant pis. Mais un jour, si tu changes d'avis, avec un grand sourire, j'te dirai la route tourne comme une toupie. Tu veux faire le test? Je ne suis pas le best. Motivation, je me lance, oublie le reste. Laisse-toi faire, laisse. Chez moi ou dans la caisse. On jouera au docteur dans n'importe quelle pièce. Tu veux faire le test? Je ne suis pas le best. Motivation, je me lance, oublie le reste. Laisse-toi faire, laisse. Chez moi ou dans la caisse. On jouera au docteur dans n'importe quelle pièce. Ils disent que j'ai des groupies. Je réponds avec un soupir. Je suis moi et ma solitude. Le soir dans mon lit pour m'assoupir. On pourrait faire des loopings. Sous ton charme, je m'incline. J'amène un ou deux, trois potes si t'es venu avec tes copines. On est discret et trop clean. Mais chut, faut la fermer. Si t'as aimé, rembobine. C'était hot si je peux me permettre. Je caresse la zig comme ta cuisse. Sur mon bouton on appuie. J'suis polyvalent, j'peux tout faire. J'suis un vrai petit couteau suisse. Je suis venu, je t'ai vu. Mais c'est toi qui m'as vaincu. J'étais au ciel comme un puceau. En solo face à vaincu. Weezy Shaolin, laisse ton number Shaolin. J'te mettrai bien darling. Ça glissera comme au curling. Tu veux faire le test? Je ne suis pas le best. Motivation, je me lance, oublie le reste. laisse-toi faire, laisse. Chez moi ou dans la KS, on jouera au docteur dans n'importe quel PS. Tu veux faire le test? Je ne suis pas le best. Motivation, je me lance, oublie le reste. Laisse-toi faire, laisse. Chez moi ou dans la KS, on jouera au docteur dans n'importe quel PS. Je ne suis pas le best. Loin de là. Il Shaolin. Radio la 25e. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. T'es un gamin, Alors comme ça va glisser comme au curling. Ça va glisser comme au curling. En 2011, ça glissait comme au curling. Ça va glisser comme au curling. Ça rappelle des souvenirs ou pas, Molo. Ça te rappelle quelques souvenirs, Gros souvenirs. Hein. Des gros souvenirs. Hein. Je sens que c'est là. Je pensais que c'était, tu vois. Tu l'as bien senti, celle-là. C'est gamin. Non, qu'est-ce que t'en penses de ce son-là maintenant avec. Tu sais, c'est quoi, un complot. Ça fait quand même 8 ans après. Hein. 8 ans, il y a eu du chemin, de l'eau sous le pont a coulé même, tu vois. Ouais, le pont battant. Quand je réécoute, c'est rigolo, tu vois. Ah, parce que tu dis quand même beaucoup de je merde. Bien, je dis bien n'importe quoi. Je sais pas ce qui m'avait pris déjà de refaire ce son, tu vois. Et c'était le son du moment, parce que ce son, quand il est sorti, il a mis des gifles. Hein. Même moi, je l'écoute encore tout de suite, il me donne des frissons. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, après aussi, c'était à une époque où dans le rap, nous, à notre niveau, on faisait beaucoup de remix, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, t'entends plus personne faire des remix de sons qui pètent. Ouais. Ça se fait plus, hein. Ouais. Les mecs, maintenant, ils vont choper des type beat ou des face A direct, tu vois. C'est vrai. Ça s'est perdu, le truc du remix. C'est vrai. Ça s'est perdu. Donc voilà, non, je tenais à passer ce son parce que, non, l'original, il a mis une gifle et puis celui-là aussi, je trouve qu'il était. Enfin, il a pas mis une gifle, mais il était cool, tu vois. il était cool. Ouais, c'était drôle. Ah oui, bien sûr. T'assumes pas ou quoi? Non, c'est. Non, vas-y, continue. Okay, d'accord. Okay, d'accord. Quand t'auras des enfants, je leur ferai écouter. Okay. Hey, viens. Ça glisse comme regarde, ça glisse comme au curling. Viens. C'est quoi le curling, papa? T'inquiète pas. On aurait même pu passer soit au juice, tu vois ce que je veux dire? On va le passer plus tard, je glisse là. Et 22h33, en fait. Tu comptes passer tous mes anciens sons c'est ouais, quoi, non, mais là, on fait première heure ancien son, puis deuxième heure, on revient, tu vois. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est de passer à Toute la ville te connaît. C'est un son qui était sur iKick Volume 2. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un son, celui-là aussi, il est cool, je trouve. Il dit des vrais trucs, tu vois. Dit des vrais trucs. Ah non ! Ouais, vas-y. Je sais pas si t'es sûr de toi, mais si t'es sûr de toi. Lance vas-y. J'aime bien ce son. Toute la ville te connaît ? Toute la ville te connaît, ouais. Toute la ville te connaît. Ça fait un long titre quand même. Toute la ville te connaît. TLVTC. Vas-y, balance celui-là. D'ailleurs, c'était une pochette de Mesh, donc je fais un petit big up à Mesh. Il a fait les deux high kick. Ouais, je suis devant la pochette là. Ouais. Ok, vas-y. Est-ce que ton son Dièse 31 Dièse est sur YouTube? Ouais. Il est sur YouTube? Ouais. Vas-y, on va le mettre après. Ouais. J'ai un anonyme. C'est celui-là qu'on. Il est sur YouTube celui-là? Ouais. J'ai jamais trouvé. Ouais, il est sur YouTube. Vas-y, bon, on va le mettre après. Il en a connu. Ah. Merci. Merci. Ah, celle-là. La nouvelle chronique, la chronique de Momo. Ah, que des blagues. Vas-y, lançons Toute la ville te connaît. Et puis on enchaîne sur Toute la ville te connaît de Lil Shaolin. C'est parti. Radio la 25e. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Drama. Justice. Elle va s'inviter à ta table pour boire dans ta bouteille. Elle veut qu'on l'appelle madame et se marier à ton oseille. Elle a plus d'un tour dans son sac, plus d'une corde à son arc. Elle croque dans les fruits défendus, elle n'a même pas encore eu le bac. Elle sait comment tu t'appelles, mais tu ne la connais même pas. Elle veut un beau sac Chanel, elle traîne en boîte pour faire la resta. La semaine elle se fait discrète, voit toutes tes photos en stress. Fais connaissance avec tes règles pour se faire inviter les week-ends. On sait qui tu es, toute la ville te connaît. Certains disent qu'ils ont des dossiers, jeune fille fragile et perturbée. Ta réputation fait que tu ne côtoies que des mauvais garçons. Tous des cons, mais tu les consommes sans modération, ouais. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît, mais ça ne te gêne pas. T'es perdu et c'est le cas. T'as donné ton corps pour pouvoir rouler dans un CLK. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Il va t'inviter à sa table pour boire dans sa bouteille. Il dit qu'il est un peu instable, qu'il veut te raconter ses problèmes. Il dit qu'il t'a croisé au bar, qu'il te trouvait belle. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'il veut juste finir à l'hôtel. Il a des plans un peu partout, ça tu ne le sais pas. Un grand sourire sur les lèvres, t'enchaînes les verres de vodka. La semaine il pense au week-end, il va t'allumer comme un briquet. Il étale tous ses billets dans le but de te niquer, ouais. Toute la ville le connaît. Toute la ville le connaît, mais ça ne le gêne pas de te raconter toutes ces salades. Toi t'es naïf, il aime ça. Ce soir tu finis dans ses draps. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Toute la ville te connaît. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Mais, ciao. Quand je réécoute ce son là, en vrai. Ouais. C'est des personnages qu'on a pu côtoyer ou qu'on. Non, mais réel. Non, mais même quand tu l'as sorti, tout ça, je me suis déjà dit, mais wesh, c'est des gens qu'on connaît ça. C'est des gens qui sont là. Ah, mais c'était le but, hein. Ah, donc même le premier couplet, hein, je dis pas que le couplet du boug, hein. Le boug, ça aurait pu être n'importe qui, mais même le premier couplet de la meuf, on connaît. Hein. Il parle ce son. Moi, c'est dommage que tu l'aies pas mis assez en avant, celui-là, je trouve, tu vois. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a après, il était dans un projet. Hein. Oui, parce que tu peux avoir un son dans un projet. C'est un projet, il y avait je sais pas combien de titres, il y avait 20 titres dans ton projet. Mais à l'époque, je faisais pas trop. Enfin, je faisais des clips, mais. Mais celui-là, il aurait pété parce qu'il y aurait trop de monde de. Ah, Albatar. Tu sais, en mode de. Ah, ouais, ok. Albatar, il parle de moi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ça aurait pu. Non, ok. Bon, tant pis. Là, je vois que t'es en mode papa Shaolin. Donc, vas-y, je vais. Non, c'est vieux si ça avait dû, tu vois. Ok, bon vas-y, on va mettre un dernier son. On va pas mettre à 25 000 km/h. On va pas mettre à 25 000 km/h parce que t'as même pas de gun. là c'est mon son le plus gangs que t'as fait, tu vois. Et dommage encore celui-là qui est pas de clip parce que le clip serait pu être un gangbang. Ouais, ça aurait pu être drôle de le tourner celui-là. Un vrai truc. Donc c'est quoi? C'est le son dièse 31 dièse. Le concept, l'instru, le rythme, non, c'est lourd. Dièse 31 dièse, donc c'était extrait de High Kick 1. Ouais, je suis dans High Kick. Moi, je suis dans... Là, je vois la pochette en mode Bruce Lee en jean. Mèche, toujours mèche. Ah oui, c'est Bruce Lee en jean. Ouais, c'est... Pourquoi pas? Vas-y, Lil Shaolin, dièse 31 dièse, extrait de High Kick 1. Vous êtes toujours dans la 25e, 22h40, radiosud.net, 101.8, comme tous les jeudis. Mini rétro, Lil Shao. Et après, on envoie la suite. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Shao, Jounès. 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. Ça t'est déjà arrivé toi aussi? 3h du matin. T'es dans ton pieu, t'es en train de dormir. Demain tu te lèves et tu reçois un appel. Un appel masqué, un appel en jazz 31 jazz. Tu connais ou pas? Écoute. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel anonyme. Allô, c'est toi le rappeur que tout le monde appelle Shaolin. Je te donne un RTV, on fera des choses pas catholiques. J'ai dû laisser mon numéro en boîte en alcoolique. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel anonyme. Wesh gros, tu dis quoi, je t'appelle d'une cabine téléphonique. J'ai un plan à te faire cake, gros, je te parle pas d'hydroponique. J'ai des brolés qui les font tous danser la tectonique. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel anonyme. Y'a plein de bruits bizarres, je me dis que c'est un poisson d'avril. Un bouc me dit, écoute mon pote, je suis avec une copine. Et je crois que je l'ai débloqué, crois-moi, je suis pire qu'un copine. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel anonyme. Je me dis, putain de merde, wesh, toute la ville est là, mon hume. Alors je raccroche direct et puis je me dis que je réponds plus. Ça tombe bien, c'est une go qui marcelle depuis qu'on a rompu. Jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz. Parle pas de bail bizarre ou fun, pas de merguez. Toujours en soum soum, tu connais mon égueuse. Jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, tranqué un jazz, tranqué un jazz. Ton téléphone t'a rendu paranoïaque. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel masqué. Si tu veux, j'ai des bails de strap, de shoes, de casquettes. C'est moi le fournisseur des nouvelles paires de baskets. Je te laisse mon number, quand t'as un bif, tu me rappelles. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel masqué. Un mec énervé est en train de me menacer. Il dit qu'il veut me repasser, que je lui dois un cachet. Qu'il faut que je sorte ma cachette, sinon il va se fâcher. Alors je lui dis, t'es sérieux? Il me répond, essaye de faire mieux. Wesh, c'est ton zinc, c'était une blague. Passe à la messe, voir mes vieux. Je lui dis, mais toi t'es sérieux? Là il est 3h du mat. Tu me déranges, faisais un tube. Je veux faire péter l'audimat. J'ai pas éteint mon phone, je reçois un appel masqué. Je me dis, je réponds plus, il faut que j'essaye de vesquer. Je me sers des glaçons, du coca et du whisky. Laisse un message après le bip, là je fais différents risques. Jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz. Parle pas de bail bizarre ou fun, pas de merguez. Toujours en soum soum, tu connais mon égueuse. Jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz, jazz, tranqué un jazz. Ton téléphone t'a rendu paranoïa. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Jazz 31 jazz, jazz 31 jazz. Voilà. Voilà. On est toujours dans la 25e. Il est 22h44. Voilà. Radio Sud 101.8. Voilà. Radio non, ce son, ce son est lourd de ouf, hein. Il a quel âge? Il a 8 ans maintenant. 8, 7. Ça, ouais. Il est lourd de ouf. Il est bien calibré, tu vois. Il est bien mixé, bien calibré. Je pense qu'il va tenir encore jusqu'à 2050, inchallah. Du coup, là, sur les parties de diffusion du son, là, vous voulez que j'arrête de passer l'ancien Shaolin? Vas-y, hein, on peut commencer à passer un peu de nouveaux sons. C'est dommage, parce qu'il y a encore d'autres sons qu'on n'a pas passés, comme Show Juice. Il y avait aussi quoi, Sbeul, j'aimais bien. Il y avait aussi le cancer du rap, Bad Boy. Non, l'attitude du Bad Boy. Tu te rappelles de ce son? Il y a aussi... je sais pas si tu te rappelles ton son qui s'appelle... Je fais trop. Mal. Ouais. Il y a aussi il y a différents sons qui rappellent ton remix de Wiz Khalifa avec qui? Comment il s'appelle l'autre là? Oui, je vois de quels sont. Ouais, tu vois lequel. Je vais les incendier. Je vais les incendier, voilà. Tu sais, il y avait trop de bails. Il y a trop de bails à passer. Mais bon, vas-y, Théo Dezès, il veut du New Shaolin. Donc, vas-y, mettons du New Shaolin. Qu'est-ce que tu nous proposes, Théo Dezès? On commence fort. Théo Dezès avec un S. Non, Théo Dezès avec un X. Avec un A. Avec un A, ouais. Ouais, voilà, exactement. Je vous présente Théo Dezès. Théo Dezès, ouais. Non. Bah, si on veut commencer fort, moi je dirais Kung Fu. On peut commencer sur Kung Fu. Mais est-ce qu'il est dans la clé que tu m'as donnée aussi? Il me semble que oui. Hein. Normalement, il y est. Attends. Tu vois, même dans tout ce bourbier, même on aurait pu mettre Katana. Tu vois, il y a différents. Je tourne en rond. Tu vois, on peut faire l'émission entière tu vois, il y a différents sons. Hein. Différents sons gangs, tu vois ce que je veux dire? Ah, Katana, on avait commencé le clip à l'époque, on l'a jamais terminé. Je me rappelle, j'étais là comme un con avec Abby en re... Non? Ouais, lié sur la clé. Ouais, je sais plus. Non, mais bref, il y a différents trucs, on peut faire 2-3 heures avec. Bon, pas 2-3 heures, j'abuse. Mais on peut faire quand même, tu vois, avec différents sons d'avant, tu vois, il y a aussi les clips là. Confession. Ouais. Avec Jawad, c'est ça, ouais. Confession. Celui-là, il était lourd. Le clip qu'on a fait juste en face là, avec Mesh là. Ouais, tout se mélange. Tout se mélange. Là aussi, c'était lourd. Voilà, différents trucs. Voilà, sur ce, je me retire. Bonne soirée, à demain. 22h46, on est toujours dans la 25e. Radio Sud, radiosud.net, 101.8. Ce soir, on était en mode, 100% rap local. On est parti en rétrospective, l'île Shaolin. Eh, mais c'est local. Voilà. Ouais, c'est local. Parce que il y a... Ouais. Ouais, voilà. Ah, c'est ouais. Tout, hein. Ok. Voilà, j'avais plus rien d'autre à dire. Donc là, je balance quoi? Je balance Kung Fu, tu dis? Ouais, Kung Fu. Ok. C'est de la merde. C'est pas du rap, c'est du Kung Fu. Je vous balance Kung Fu. Du coup, ah, c'est. Ouais. C'est un peu ça, hein. Un bail comme ça. Ça fait un peu comme ça. Il le fait sur scène en plus. Ouais, sur scène, je fais des saltos et puis je balance des étoiles de ninja. Vas-y, je balance un jingle et je balance Kung Fu dans la foulée. Dans la Kung Fu. Easy. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Wesh les mecs, t'es mal à tech. Sois sûr de toi si tu m'attaques. J'y piche que je kick, je te le rappelle. SHAO sur le hashtag. Fin de soirée, je finis la day. Je fais de la peufra sur de la trappe. Tu veux bouffer dans mon assiette, faut trapper les chats, t'asseoir à ma table. J'sors de la salle du temps, je ne fais que m'entraîner. Je vais foncer dans le tas, j'arrive sans freiner. Ceux qui voulaient me voir enterré ont mis le dernier clip sur l'écran télé. J'arrive en tac-tac, au bord du navire, je suis avec Ragnar. Avec mon équipe, on joue collectif, tactique implacable. Je contrôle mes chakras, mes démons. J'ai cherché lueur dans la pénombre. Ouvre-moi la porte, on va démon. Pour être tout en haut, on sait que c'est long. Tout est bon. Qui est là le jour où tout s'effondre? T'as rêvé de brasser des millions, mais demain tu peux dormir sous les ponts. C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. Que des high kicks dans la pratique. On freestyle tout sur un parking. Avec mes renois, mes harbi. Avec mes toba, mes noisiers. Ça y est, mes rayos sont niés. Fume les instrus every day, j'suis méfiant par sécurité, mauvais penchant comme dans le training day. On fait que de la qualité, j'suis pas là pour les câliner. Pas de ciné, c'est pour de vrai, C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. C'est pas du rap, c'est du kung fu. Radio La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Un peu comme ça. C'est un petit, ça fait un peu comme ça dans la cabine. Il va le faire jusqu'au bout. On a dit que c'était pas du rap, c'était du kung fu. Si, ah, si. Je suis en train de me battre avec Maurice. Si. Maurice, viens, on se bat. Kung Fu. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Il t'attend. Ouais, Freestyle Kung Fu, ben, enregistré il y a quelques mois chez Théo2S. Je voulais clipper, puis au final, tu vois, j'ai laissé couler. Ça aurait pu être un clip, hein. Ouais, aussi. T'es sérieux, c'est ça ton intervention? Oh, non, jure-le, c'est ça ton intervention, jure. Ouais, dis-moi qu'il y avait tous derrière, quand même. Rien du tout. Ok, super, génial. Waouh, un grand moment de radio, là. Waouh, ça aurait pu être un clip, hein. Il y a de l'argumentaire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais moi, Chao, je trouve qu'il y a un changement entre les sons qu'on vient d'écouter et ceux-là. Ouais. Moi, je suis plutôt dans les anciens, tu vois. Je suis pas un mec old school, je suis pas un mec machin. Mais je trouve qu'il y avait un truc en plus dans les anciens qu'il y a pas forcément là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais moi, hein, quand je réécoute les anciens trucs, des fois, je dis, mais comment j'ai pu sortir ça, tu sais, écrire ça ou tu vois? Tu regrettes? En mode, c'est pas bien? Non, au contraire, tu sais, je me surprends, tu vois. Des fois, je retombe sur des sons, je dis, ah ouais, des fois, je disais des trucs de ouf, tu vois. Ah. Mais est-ce que, admettons que je sois encore en train de rapper dans 5 ans, si j'écoute les sons de maintenant, là, de 2019, peut-être que ça me fera pareil dans 5 ans, tu vois. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un truc que t'as laissé en route. En mode, t'as pas laissé que l'île en route, hein. Pas que l'île qui est restée là-bas. Non, t'as laissé une partie de toi, je pense que t'as, je sais pas. À un moment, tu t'es dit, vas-y, faut que je me réinvente. Non, pas forcément. Pas spécialement. Ouais, après, je pense, je sais pas, hein, tu sais, l'écriture, ça évolue avec. Avec le temps, tu vois. Les gosses, le taf. Calme-toi. Non, bah, avec la vie en général, tu vois. Ouais, les gosses, le taf, les impôts. Voilà, hein. Je sais pas, cette période-là, c'était quoi? Cette période un peu étudiant. De quoi, Kung Fu? Non, avant Kung Fu, oui, tout ouais, ça, ouais, ouais. Tu vois, ouais. J'étais un peu en mode mi-étudiant, mi-vagabond, tu vois. Ouais, mi-fou en fait. Voilà. C'est pour ça que je me reconnais dans le truc en vrai. Donc je pense que il y a des expériences qui font que tu sais, ça te. Bah, c'est pas là, c'est dans ces. Moi, je pense que c'est quand même dans ces moments-là où on vit des trucs, des vrais trucs en vrai. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça parle autant peut-être. Parce que ouais. tu racontes des vrais trucs. Parce que là, depuis que t'as des gosses. Des gosses au travail. Travail, impôts. Ouais. Donc voilà, non, voilà. Non, c'est. Voilà, c'était juste ma petite. C'était ta parenthèse. Ma parenthèse. C'était ça ton intervention. Tu te rappelles du son qu'on devait faire, Je garde espoir? Ouais. Pourquoi on l'a pas fait celui-là? Ben, je sais pas. Ouais, okay. Non, c'est tout. Mais tu sais, il y a des. En vrai, je sais pas combien de sons on a fait depuis le début. Hein. Je garde espoir. Ananana. Ah, il pétait ce son, on aurait pu percer avec celui-là. Il y a des sons incomplets, des sons pas finis. Ouais. Des sons, il y en a, il doit poser, l'autre il pose pas. Ouais. C'est vrai. Ah. Ouais. Street life. C'est quoi ça? C'est méga vieux. Ça, c'est pas nous, ça. C'est un classique. Calme-toi. J'ai posé là-dessus. Voilà. Non, voilà. Lourd. Ok. Donc, c'est bon, t'as fini avec moi, c'est bon ou... Non, moi, je dis, on n'a pas fini. Hein. Ah ouais, ça continue. Bah, il y a encore des sons. Ah, là, il est 22h54. On se dit que. C'est quoi ton son préféré dans la liste là, Pia? Dans la liste? Non. Dans ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant. De toi? Non. Dans la liste de. Ouais, si, les deux, réponds aux deux. Dans ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant là. Jusqu'à maintenant là, ouais. Dans tous ceux qui sont passés? Ouais. Bah, du coup, Let's Go, elle m'a remis. Elle est lourde. Elle m'a remis. Après, en fait, dans l'époque où je l'ai sorti celle-là, j'étais à fond sur T.I. Ça se voit. Ouais, j'étais à fond sur T.I. Il y avait un clip. Je crois que c'était Big Things, un truc comme ça. Things. Big Things. Things. Ok, comme True. Et je crois que c'était je sais plus si c'était Big Things ou. Je sais plus. Bref, et il mettait trop la gouache. Et puis, quand j'avais entendu la prod là, de Let's Go, ça, en fait, j'étais tellement en mode TI que je sais pas. Mais ce son est lourd. En plus, ouais. c'était dans les périodes où tu commençais à mixer un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'as eu une période où tu mixais normal, t'as augmenté un peu, Et là, t'avais augmenté un peu, t'avais pris un autre, tu t'étais upgradé. Puis c'était dans cette période-là, je me rappelle, c'était très très très lourd. Très lourd. Ouais. T'as eu aussi une période, t'as dit que t'as eu une période TI, t'as eu une grande période, comment il s'appelle l'autre là, Ice Hood. Ouais, Ice Hood, ouais. Mais encore maintenant, hein, je me torche. Il est revenu ? Ben, il est plus ou moins là, tu vois, il sort des trucs, mais franchement, il est toujours chaud, lui. Mm. Il est chaud. Mm. Ben, le Je fais trop mal, c'était Ice Hood. Hein. C'est ça. Ça, Je fais trop mal, c'était waouh. C'est vieux aussi, ça. Je sais même pas si, je sais même plus si le son il est encore, je sais pas. Non, je l'ai dans un de mes PC, mais je l'ai pas sur, il est pas sur YouTube. Voilà. Sinon, on aurait pu mettre aussi Planoise, on est là. Mais... Ouais, mais ça c'est. Eh, juste. Le son avec Maurice aussi, tu as déjà entendu, parce que là, je l'ai sur ma clé, hein, si jamais. Et il est pas bien. Il est pas bien. Qu'est-ce qui a été enregistré où ce son ? De quoi ? Avec Maurice. C'était à Planoise, rue de Dijon à l'époque. Et... À l'époque où tu clashais Kinder ? Kinder ! Ouais. Kinder ! C'est ça. Qui c'est qui a gagné ce clash ? Bah, il n'y a pas eu de clash en fait. Oh, arrête ! Lui, il avait. Arrête ! Mais il n'y a pas eu de réponse, gros. Tu t'arrêtes tout de suite. Non, il n'y a pas eu de réponse. Qui c'est qui a gagné en fait, ce clash ? C'était un clash sans clash, quoi. C'est qui ce Kinder ? Il s'appelle comment ? Calme-toi quand même, tu vois. Non, mais la vie de moi, je sais plus qui c'est. C'est Karim, il s'appelle Karim. Voilà. Mais il faisait du rap, non ? Ben, je crois. Hein. Ok. Vas-y. C'est vieux, ça. Kinder. Il me ramène le truc avec les bails. Hein. Les deux. Non, lourd. C'est un gamin, Jounès, mon pote. Ça, je connais pas la ref. Hein de quoi ? Bah, Kinder, là. Ah, t'as jamais entendu ce son ? Jamais. C'était un grand clash. À l'époque, dans la rue, c'est que s'il y avait embrouille, il y avait clash direct. Il n'y avait pas Octogone, ça sortait des sons direct, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je suis toujours dans la rétro. Là, de toute façon, à 23h, on arrête de parler de l'ancien Shaolin, tu vois. Mais là, on peut discuter entre nous. C'est un de ces gars, man. Bah non. Moi, j'aimais bien tes collabs. Pour toi, c'est laquelle la plus folle de tes collabs, la plus ouf? Enfin, la mieux. De quoi? Des feats? Des feats, ouais. Oh. La plus marquante? Ouais. Franchement, là, j'en ai pas une qui me... Rash 2F, l'Italiano. En fait, j'en ai eu tellement, gros. J'ai tellement... En fait, je sais pas, j'ai combien de feats, ma gueule. Mais pourtant, à une époque, tu te mélangeais pas beaucoup. Hein. À une époque. Ouais, bah, il y a une époque, j'ai essayé de me concentrer sur moi, tu vois. Et puis, c'était justement l'époque où... Fallait que ça pète, tu vois, et puis en fait ça a pas pété, donc après on va dire que je m'en foutais un peu, tu vois. Après je me suis dit c'est que de la musique au final, tu vois. Mais moi je pense que tu as commencé à te mélanger vers 2012-2000, ouais, c'est ça, par là, ouais. Parce qu'avant t'étais, après j'étais dans mon monde, gros, hein, tu sais, j'avais mon petit matos, ouais, il y avait qui, petits trucs, vous avez Crash, l'Italiano, Secteur Harbi. Non, t'avais pas fait avec Secteur. J'avais fait avec Cizaï. Enfin, Cizaï, c'était Terro à l'ancienne. Terro. Ouais. Putain. Ouais, on avait fait l'émission de DJ Bounce. À l'époque. Je suis là maintenant. Voilà. Je suis là. Avec tout le monde, avec Yassir, Python, Italiano, H2F, Tarco. C'était même pas Tarco, je crois, à l'époque déjà. C'était Luba. Ouais. Balou. C'était Balou. Je sais même plus. Ah, c'est vieux, hein, là, tu... Je suis là, maintenant. Même que DJ Bounce, il avait failli se faire virer, parce qu'il y en avait, ils gravaient leur blaze au marqueur à la radio. Ah non, Et ça, c'était une époque où, quand on venait freestyler, on mettait pas les lunettes de soleil, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, dis ça parce que j'ai vu des choses, tu vois, je vois des gens qui viennent freestyle, ils mettent des lunettes de soleil. Ouais, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont être filmés, je sais pas. Aïe, gros. J'ai vu une belle interview, je fais une parenthèse, de cette gecko qui dit que les rappeurs de maintenant, ils mettent les lunettes de soleil avant de rapper. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu dois rapper, tu dois percer, et après tu mets les lunettes de soleil pour qu'on te reconnaisse. Tu vois, quand tu parles des freestyles qu'on a fait à la radio là-bas, wesh, on était là, ça kickait, il y avait personne qui disait « Ah, j'aime pas cette prod, change. Rap. » T'es devant le micro, rap. Ouais, ça mettait les instrus, puis ça rappait, quoi. Voilà. Je parle comme les anciens. Et pour répondre, moi, à la question que je t'ai posée...